Chapitre 12e, l'embarras d'Annaline. C'était par une de ces belles et chaudes soirées que mai nous apporte quelquefois. Les insectes bourdonnaient et dansaient dans les airs, et les feuilles des arbres se taisaient. La journée avait été excessivement chaude, le soir ne l'était guère moins, et Annaline, appuyée contre la porte du jardin, cherchait en vain la fraîcheur de la nuit. Le crépuscule faisait place au clair de lune. Les collines de Malvern s'effaçaient de plus en plus, les agneaux dormaient depuis longtemps, et les cloches du soir se distinguaient seules au milieu du silence. « Comme il vient tard aujourd'hui, » murmura Anna, « s'il ne vient pas bientôt, il faudra que je rentre. » À peine ces mots s'étaient-ils échappés de ses lèvres, qu'un léger bruit lui annonça l'arrivée de Herbert. Anna se tourna pour voir si aucun œil indiscret ne l'épiait de la fenêtre, puis s'avança à sa rencontre. Il s'était arrêté à la place habituelle sous l'ombre de la haie, de cette haie d'églantine qui bordait le jardin dans lequel la signora Varsigny avait fait son entrée. Il n'avait guère à craindre d'être aperçu. « Herbert, tu viens bien tard !» s'écria Anna. « C'est fort heureux que j'ai même pu venir !» répondit Herbert en prenant le bras d'Anna sous le sien. « J'ai cru devoir rester un moment à la maison pour punir mon frère Anthony. »« Punir ton frère Anthony ?» répéta Anna tout étonnée. Herbert alors, pour la première fois, lui parla de l'animosité qui existait entre son frère et lui. Il ne donna pas la cause, mais il dit simplement qu'Anthony avait mal agi avec lui et l'avait mis dans l'embarras. Anna était toute attention. Herbert aurait affirmé que les torts étaient de son côté, qu'elle ne lui en aurait pas donné toute sa sympathie. Herbert, à ses yeux, était le type de tout ce qu'il y avait de noble, de digne, de généreux. Anthony, qu'elle connaissait à peine, ne lui plaisait pas. « Herbert, peut-être qu'il te frappera en secret, sans que tu t'y attendes. » « Tant pis, » dit Herbert négligemment, « je le lui rendrai. Je suis plus fort que lui. Je sais une chose, c'est que l'un de nous doit quitter la maison et aller loger ailleurs. Nous ne pouvons plus vivre ensemble. » « Ce sera lui de s'en aller, n'est-ce pas, Herbert? Ton père ne serait pas assez injuste pour te punir des fautes de ton frère. » « Je ne sais pas trop. Je crois que c'est moi qui m'en irai. Anthony est l'aîné et le préféré de ma mère. » Anna leva les yeux dans sa surprise naïve. « Anthony préféré à Herbert ?» Elle ne pouvait comprendre une pareille anomalie. Le temps passait rapidement. Pendant un intervalle de silence, ils entendirent ce qu'on appelait à Helstonleigh la cloche de 10 heures, une cloche qui sonnait tous les soirs 10 minutes avant l'heure. Anna tressaillit. Elle avait dépassé l'heure habituelle. « Un instant, Anna !» cria Herbert, comme elle allait se sauver. « Il n'y a pas besoin de temps vous presser. Esther ne peut pas encore être couchée. » « Je voudrais que vous me rendissiez ce livre, si vous l'avez fini. Il n'est pas à moi, et on me l'a redemandé. » Anna aurait été bien aise de le lui rendre. C'était là la robe de Moore. Il avait été sur les épines tout le temps qu'elle l'avait lu, tant elle avait craint qu'un hasard malencontreux ne le mît sous les yeux de patience. Elle le trouvait enchanteur. Elle en avait lu et relu les pages. Mais elle soupçonnait bien que ni le livre ni la lecture qu'elle s'en permettait ne plairaient à patience. « Je te le rapporterai tout de suite, Herbert, si je le puis, » dit-elle vivement. « Sinon, je te le rendrai demain. »« Pas si vite, mademoiselle, » dit Herbert en riant et en la retenant. « Vous pouvez ne pas revenir. Il faut que je vous dise adieu. »« Non, je t'en prie, laisse-moi aller. Qu'est-ce qu'Esther va me dire ?» S'arrêtant à peine, Anna courut jusqu'à la porte du jardin. Mais du moment qu'elle y fut entrée et qu'elle eut tourné la clé, elle commença, la petite rusée, à marcher lentement, d'un air nonchalant, regardant le ciel, regardant les arbres, et pas plus pressée que s'il avait eu 3 heures devant elle. Elle avait vu Esther debout à la porte. « Enfant, » dit gravement Esther, « tu ne devrais pas être si tard dehors. Il fait si chaud ce soir, Esther. Mais tu ne dois pas sortir du jardin. Patience n'en serait pas contente. Il est l'heure de t'aller coucher, d'ailleurs. La potion de patience n'est pas arrivée. » « Sa potion pas arrivée ?» répéta Anna toute surprise. « Non, j'ai attendu le garçon, sans cela je serais allé te chercher. Ami Paris l'aura oublié. »« Oh, probablement, » dit Anna, se promettant de donner au garçon 10 sous en récompense de son oubli. « La médecine vient toujours le matin. Patience pourra-t-elle s'en passer ?»« Je crains que non. Qu'en penses-tu si je courais la chercher ?»« Oh oui, vas-y, Esther. » Elles rentrèrent. Esther ferma la porte à clé. Elle mit son châle et son chapeau et sortait par la porte d'entrée quand l'horloge sonna 10 heures. « Il est 10 heures, enfant, » dit-elle à Anna. « Va te coucher, je prendrai le passe-partout. »« Oh, Esther, je ne veux pas encore aller me coucher, » fit Anna d'un air grognon. « On dirait un soir d'été. »« Mais tu ferais beaucoup mieux, enfant, » insista Esther. « Patience est déjà fâchée une ou deux fois contre moi de ce que je te laisse éveiller si tard. Elle en fera un fameux rapport à ton père à son retour. Va te coucher, ta chandelle est là, sur la tablette. Bonne nuit. » Esther partit, fermant la porte et emportant le passe-partout. Anna, pleinement convaincue que l'oubli d'Ami Perry lui était envoyé comme une faveur spéciale, alla doucement au salon, prenant le livre dans sa jolie table à ouvrage. Mais la chambre était sombre. Anna ne pouvait trouver ses clés. Elle croyait les avoir laissées sur cette même table et elle n'y touchait plus. Impatientée, tant elle craignait que Herbert fût loin avant qu'elle lui eût rendu son livre, elle retourna à la cuisine, alluma la chandelle dont avait parlé Esther et la porta au salon. Ses clés étaient sur la cheminée. Elle ouvrit son tiroir, prit le livre, souffla la lumière et courut jusqu'au champ. Herbert allait partir. Il n'avait nullement compté sur le retour d'Anna. « Vous avez donc pu revenir ? » s'écria-t-il surpris. « Esther est sortie, » expliqua Anna. « Ami Paris a oublié la médecine de patience et Esther est allée la chercher. »« Herbert, pense donc, si Esther n'avait pas tendu la potion, elle serait de retour. Il ne faut plus jamais que j'oublie l'heure. Voici le livre, je t'en remercie beaucoup. Je suis bien fâchée et bien contente de te le rendre. » « Quel paradoxe, » dit Herbert en riant. « Je comprendrais que vous en fussiez contente ou fâchée, mais contentée, fâchée, cela me paraît inexplicable. Je suis fâchée de te le rendre parce que c'est le plus joli livre que j'ai jamais lu et que sans patience, j'aurais voulu toujours le garder, » dit Anna avec enthousiasme. « Mais j'ai constamment peur qu'Esther ne le trouve et ne le porte à patience qui se fâcherait et le dirait à mon père. C'est pour cela que je suis contente de te le rendre. Pourquoi ne le mettiez-vous pas sous clé ? C'est ce que je faisais. Je le mettais dans le tiroir de ma table à ouvrage, mais j'oublie souvent de mettre mes clés dans ma poche. Je les laisse traîner partout. Je serais revenu plus tôt si j'avais pu les trouver. » Anna n'était plus aussi pressée de s'en aller maintenant. Esther devait rester dehors au moins 20 minutes. Elle raconta à Herbert qu'elle avait copié les gravures de son livre, mais qu'elle devait cacher ses dessins aux yeux vigilants de patience. « Dis-moi l'heure, » demanda-t-elle subitement en arrêtant son babil. Herbert tira sa montre et la regarda à la clarté de la lune. « 10h12. Alors il faut que je m'en aille. Esther pouvait revenir en 20 minutes. Il ne faut pas qu'elle me trouve dehors. » Herbert la reconduisit jusqu'au portail, l'ouvrit et rentra lentement avec elle dans le jardin. Anna ne fit aucune opposition. Il ne courait pas risque d'être aperçu. Patience était enchaînée dans son lit et Esther ne pouvait pas encore être de retour. Arrivé à la porte de la maison, il la trouvait fermée, comme Anna l'avait laissée. Herbert tendit la main à Anna. « Je suppose que je dois définitivement vous dire adieu, » lui dit-il à demi-voix. « Oui, il faut que je retourne fermer la porte du jardin après toi. Esther sera là dans 4 ou 5 minutes. Bonsoir, Herbert. »« Laissez-moi d'abord voir si vous pouvez bien rentrer, » dit Herbert, en posant la main sur le loquet de la porte pour l'ouvrir. L'ouvrir ? Il ne le pouvait pas. Le loquet résistait à ses efforts. « Avez-vous fermé à clé, Anna ?» Anna sourit de sa maladresse. « Tu tournes du mauvais côté, Herbert, bois. » Il ôta la main. Elle tourna doucement le loquet en sens contraire. Elle essaya du moins de le tourner, mais la porte ne s'ouvrit pas plus pour elle que pour Herbert. Esther était revenue et Anna était mise à la porte. Esther avait peine fait quelques pas qu'elle avait rencontré le garçon qui apportait la médecine. « J'allais la chercher, » lui dit Esther. « Pourquoi viens-tu si tard ?»« Monsieur Parry a été appelé ce matin avant d'avoir pu la préparer. Il ne fait que de rentrer, » répondit le garçon. « Mieux vaut tard que jamais. »« C'est bien, » dit Esther, qui parlait toujours avec douceur. Et elle rentra, ouvrant avec le passe-partout. La maison était exactement comme elle l'avait laissée. La chandelle d'Anna seule avait disparu de la tablette du corridor. « C'est bien, » pensa-t-elle, « l'enfant est allé se coucher. » Elle se disposa à monter elle-même. Il ne lui restait qu'à donner à patience sa potion. « Voyez donc, il me semble que j'ai fermé à clé la porte du fond. » Elle essaya. La porte n'était pas fermée. Elle en fut assez surprise, car il lui semblait bien avoir tourné la clé. Mais ne s'arrêtant pas à cette pensée, elle la referma et elle a posé la clé à sa place. Puis elle monta vers Patience. Patience, triste et couchée, leva les yeux sur Esther. « Croyais-tu que nous t'avions oublié, Patience ? Paris était absent toute la journée et la médecine ne fait que d'arriver. Où est Anna ? » demanda Patience. « Elle est allée se coucher. »« Pourquoi donc n'est-elle pas venue vers moi comme d'habitude ? N'est-elle pas venue ? Je n'ai pas vu de toute la soirée. » « Peut-être croyait-elle que tu dormais ?» observa Esther en apportant la potion qu'elle avait versée dans un verre. Elle ne dit rien de plus. Son idée, c'était qu'Anna s'était abstenue à dessein d'aller voir Patience de peur d'être grondée lorsqu'elle allait se coucher après 9h30. Passance ne disait rien non plus. Il lui semblait qu'Anna aurait pu être moins ingrate. Elle prit la potion et Esther alla se coucher. Et la pauvre Anna, il serait impossible de décrire sa consternation. Harbert essaya en vain de la consoler. Elle s'assit sur le seuil de la porte et se mit à pleurer. Toute sa crainte, c'était la terrible gronderie que Patience ne manquerait pas de lui administrer et le châtiment que lui infligerait son père. Pour rendre justice à Harbert, il faut avouer qu'il se sentait presque aussi contrarié qu'Anna. S'il avait pu la faire entrer en passant lui-même par la cheminée, il l'aurait fait. « Ne pleurez pas, Anna, ne pleurez pas, » répétait-il. « Je prendrai soin de vous, je resterai avec vous. » Mais plus il parlait, plus elle pleurait. Si Harbert avait pu casser la vitre sans faire de bruit, il aurait brisé le verre et ouvert l'espagnolette. Anna, plus terrifiée que jamais, le supplia de ne pas l'essayer. Le bruit ne manquerait pas d'éveiller Esther. « Mais vous aurez froid, ma petite, si vous restez là toute la nuit. Vous tremblez. » Anna tremblait, mais de frayeur. Harbert pensait qu'il aurait mieux valu appeler hardiment Esther. Il le proposa, il insista même, mais Anna s'y opposa de toutes ses forces. Elle resta assise longtemps à pleurer, refusant de se calmer ou d'entendre raison. Soudain, une pensée lumineuse traversa son esprit. « La fenêtre de l'office !» s'écria-t-elle en arrêtant ses larmes. « Comment puis-je l'avoir oublié? Il n'y a pas de verre, et tu es assez fort pour pousser le fil de fer. » Harbert ne connaissait pas cette fenêtre. Elle était d'un autre côté de la maison et entourée de buissons. C'était une grande fenêtre carrée, protégée par un grillage en fil de fer. Il se fraya un chemin dans les buissons, mais il lui fallut beaucoup de temps pour réussir à entrer. La fenêtre était à une certaine hauteur et le grillage résistait. Anna restait sur le seuil de la porte sans bouger, pleurant toujours et voyant passer devant ses yeux le terrible tableau de la colère de Patience. Et la nuit s'avançait. « Anna » entendit-elle. Elle faillit pousser un cri de joie. Elle s'élança vers lui. Il était entré. Il était arrivé jusqu'à la fenêtre de la cuisine, l'avait ouverte sans bruit et appelait Anna. Avec son aide, elle entra sans autre dommage qu'une large déchirure à sa robe. Il avait allumé une chandelle. Elle s'assit la figure radieuse à travers ses larmes. « Comment pourrais-je assez te remercier ?» Il regarda ses doigts d'un air moitié sérieux, moitié comique. Le fil de fer les avait écorchés en plusieurs endroits, et ils étaient tout ensanglantés. « Je serais entré plus vite si j'avais forcé le grillage par le milieu, » dit-il. « Mais on s'en serait aperçu. Je l'ai arraché de côté et l'ai remis aussi bien que j'ai pu. Peut-être ne s'en apercevra-t-on pas. »« Comment puis-je te remercier ?» répétait Anna. « Vous savez ce que vous avez à faire maintenant, Anna. Je vais sauter par la fenêtre, vous la fermerez après moi. Je la fermerai bien moi-même, mais ces taches de sang marqueraient le bois. Et en sortant de la cuisine, n'oubliez pas de fermer la porte à clé. Je l'ai trouvée fermée. Comprenez-vous ? Ah, maintenant, adieu, ma petite princesse enfermée. Dites que je n'ai pas fait des prodiges pour vous, comme les bons génies des contes de fées. » Elle lui prit la main et le regarda toute reconnaissante. Robert se pencha sur elle et lui donna un baiser. Peut-être pensait-il avoir bien mérité cette récompense. Puis, il se disposa à repasser par la fenêtre, tout heureux d'avoir pu faire sortir Anna de son embarras. Avant qu'Elstonley se fût éveillé le lendemain matin, une rumeur effrayante circulait dans la ville. On prétendait qu'Anthony Dare avait été assassiné au milieu de la nuit par son frère Herbert.